machine dans un monde un peu fragile où la vie est facile. Mais je sais bien qu'il n'y a rien de plus épine que les roses de cette ville. Tu sais, je m'ennuie de toi. Ton regard couleur vacances et ton accent qui danse. Et comme je languis l'odeur du pays, tu m'imagines avec tous mes faux amis qui m'apprennent à sourire. Mais je sais bien qu'ils ont la bouche pleine de miel. Et tu sais, je les laisse dire. Toi, je n'aime que toi. Ton regard qui danse, et comme je languis l'odeur du pays, tu m'imagines. Mais la tour Eiffel n'a pas le parfum du romarin. Toi, je n'aime que toi. Ce qui rappelle la chaleur d'une vie qu'on n'a pas ici. Toi, je m'ennuie.